conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, le visage est-il la capitale de l'identité ? Il y a quelque temps, lorsqu'il s'était agi de dire en quoi consiste cette émission, de décrire ce que serait une conversation scientifique, j'avais proposé ces phrases. Une conversation scientifique advient bien sûr dès qu'un scientifique parle avec un autre scientifique. Mais aussi et surtout lorsque, en vertu d'une certaine politesse de l'esprit, il s'entretient avec un philosophe, un artiste, un historien, un écrivain, un géographe, un marcheur, un alpiniste, plus généralement avec un homme ou avec une femme. Or, des écrivains, force est de constater que nous n'en avons guère reçu à cette émission. C'est une faute de ma part qui s'aggrave à mesure que le temps passe et que les semaines défilent. Je vais partiellement la réparer aujourd'hui. J'ai invité un écrivain, plus exactement une écrivaine, avec qui nous allons parler, entre autres choses, du visage. Le philosophe Emmanuel Levinas expliquait que la vulnérabilité du visage est une expérience fondamentale, constitutive de l'existence humaine. Avec ses multiples caractéristiques, couleur des yeux, forme du nez, courbure de la mâchoire, contour de la bouche, le visage ne peut pas être véritablement décrit tel qu'en lui-même. Il se résume donc plutôt à l'expression, sans parole explicite, de la vulnérabilité du sujet. La peau du visage, écrit Levinas dans Éthique et Infinie, est celle qui reste la plus nue, la plus dénuée. La plus nue, bien que d'une nudité décente. La plus dénuée aussi, il y a dans le visage une pauvreté essentielle. La preuve en est qu'on essaie de masquer cette pauvreté en se donnant des poses, une contenance. Fin de citation. Le visage est aussi le médiateur de la relation à autrui. Il est d'abord ce par quoi on existe pour autrui. Mais que représente-t-il au juste pour son propriétaire? Et que représente-t-il aux yeux des autres? Et que se passe-t-il lorsque, pour une raison ou une autre, il se trouve fracassé? Pour discuter de ces questions graves, j'ai invité Clarisse Gorokoff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, écrivaine, je ne sais pas très bien ce qu'il faut dire. Vous avez publié en 2017 un roman chez Gallimard intitulé « De la bombe ». Et vous faites paraître ces jours-ci un autre roman, le second, donc le deuxième plutôt, qui s'intitule « Casse-gueule ». Alors j'avais une première question, sans révéler votre âge, il est évident que vous êtes très jeune. Et comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est écrivain ou qu'on est destiné à le devenir? Quels sont les signes annonciateurs d'une telle vocation? Peut-être que c'est tout simplement le symptôme qui consiste à écrire. Et sans s'observer soi-même écrire et puis lâchant son stylo à un moment en disant « mais tiens, j'écris, je dois être écrivain ». Mais je dirais plutôt, en tout cas en ce qui me concerne, le fait de considérer l'écriture comme un refuge dans des situations considérées comme oppressantes, comme l'école par exemple. Donc comme l'école commence à un âge... C'est-à-dire que vous avez commencé très jeune. Oui, c'est ça, voilà. Peut-être pas au CP, parce que d'abord il a fallu que j'apprenne à écrire pour comprendre que l'écriture pouvait constituer une échappatoire, voire une arme pour m'isoler ou recréer une réalité en fait qui me satisferait plus, qui me satisferait davantage que la réalité proposée dans le cadre scolaire. Et puis après, au-delà du cadre scolaire, ça a été la vie en général et la réalité telle qu'elle est, qui parfois sont un petit peu contraignantes ou pas à la hauteur de nos aspirations. Et dans l'écriture, on a toujours la possibilité de composer, de faire émerger les choses qui font écho à notre sensibilité, qui coïncident à notre univers intérieur. Mais pour autant, c'est pas non plus une voie de fuite permanente, justement. Alors, dans ce roman Casse-gueule, il est beaucoup question de visage. On racontera peut-être comment le roman s'amorce sans raconter toute l'histoire. Mais je voulais avoir votre réaction à propos d'une autre phrase que dit Levinas, qui a beaucoup écrit sur le visage. Il dit ceci, la meilleure manière de rencontrer autrui, c'est de ne même pas regarder la couleur de ses yeux. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que le visage, en fait, nous définit trop? Oui, alors ça c'est vraiment une phrase qui m'a pas mal hantée, justement que j'ai découverte au lycée, qui m'a énormément intriguée. Elle est assez forte parce que finalement on se rend compte que on regarde, c'est vrai en effet rarement, on décompose rarement pièce par pièce, élément par élément, un visage. C'est plutôt une sorte de d'immanence, et puis c'est l'aura du visage. Quand on rencontre quelqu'un, on a plutôt affaire à un tout, à une aura, mais on acquiert très rapidement le réflexe de décomposer, d'analyser un visage sans même s'en rendre compte, pour capter des indicateurs sociaux, pour savoir si on va se diriger vers un visage qui va nous entraîner vers une identité, vers un univers. D'abord, on capte immédiatement certaines composantes de ce visage. Et en effet, je trouve que cette phrase est assez percutante, parce que si on s'arrête aux éléments qui composent un visage, on perd la totalité, l'immanence de l'être. Alors David Le Breton, qui est un ethnologue, également sociologue, écrit « Le visage est le lieu le plus humain de l'homme ». Vous êtes d'accord avec ça aussi ? Ouais, j'aime beaucoup justement l'idée de lieu, de territoire, de paysage. Et j'aime beaucoup ce que David Le Breton écrit sur le visage. Oui. Alors votre roman, venons-y, Casse-gueule, est-ce qu'on peut dire comment il commence ? Oui, bien sûr. Allez-y. Il commence mal. Clarisse Gorokoff. Il commence mal et il finit quand même pas très bien. Il finit dans une... Bon, bref, il commence mal. Il commence de manière fracassante. En même temps, il commence mal pour tous les lecteurs qui, j'espère, seront nombreux à le lire. C'est-à-dire, c'est l'expérience la plus insoutenable qui puisse arriver à un individu. C'est de perdre son visage, d'être défiguré. Mais il se trouve que pour mon héroïne, ça commence pas si mal que ça, puisqu'elle en fait le motif, le point de départ d'une sorte de résurrection, de renaissance. Elle s'appelle Ava. Elle est défigurée par un homme. Qui la tabasse, enfin qui la roue de coups avec un poing américain notamment. Elle est donc défigurée alors qu'elle était très belle et elle le vit plutôt bien. Elle le vit plutôt bien. Alors justement, la question de sa beauté rentre en ligne de compte. C'est qu'elle était plutôt belle, oui, elle était jolie, mais d'une beauté qu'elle ne pouvait pas s'approprier, d'une beauté un peu plastique, un peu lisse, qui descendait des gènes dont elle a hérité, d'une mère qu'elle ne supporte pas. Et puis, c'est ça aussi, c'est déjà la question de comment s'approprier son propre visage. Et ensuite, si par-dessus le visage est affublé d'une laideur ou d'une extrême beauté ou de caractéristiques qui rendent encore plus compliqué le fait de s'approprier ce visage, donc ça, c'est un double fardeau pour Ava, donc une double libération d'être défigurée. Clarisse Gorokoff, vous mettez en exergue de votre roman une phrase de Rilke, car le beau n'est rien que le premier degré du terrible. C'est beau, comment une jeune femme comme vous peut-elle avoir envie de mettre cette phrase en exergue ? Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous ? Pourquoi elle vous parle ? Alors déjà, je l'ai mise en continuité de la phrase de Elias Canetti, qui est encore plus cinglante. On ne peut supporter un beau visage que lorsqu'on l'a détruit. Et je trouvais ça vraiment... que ça allait très bien avec la phrase de Rilke, car le beau n'est que le premier degré du terrible. Je trouve que c'est au-delà de la composition que j'ai voulu faire entre ces deux citations. Je trouve que ce qui est intéressant dans la beauté, c'est quand on la retire de son cadre confortable dans lequel elle est trop souvent, surtout à une époque comme la nôtre. On associe la beauté à quelque chose d'un peu réconfortant, alors que moi je trouve qu'elle devient très excitante quand elle déborde le cadre esthétique et qu'elle procure des émotions. Et donc là, on rentre plutôt dans le sublime, qui est très lié au terrible, justement. Mais comme on a un petit peu perdu cette notion du sublime, je trouve, dans notre société actuelle, il n'y a plus que de la place, place pour le beau, le laid. Et c'est un petit peu... comme ça, pas manichéen, mais je veux dire très binaire. Je trouve ça intéressant, tout ce qui peut permettre de ressaisir la beauté à travers ce qui, a priori, devrait l'annuler ou la mettre en péril, à savoir la crainte, la menace, le terrible. Voilà. Oui, il y a une troisième phrase que vous mettez en exergue, c'est une phrase de Camus. « Beauté, mon pire souci avec la liberté ». Ouais. Et en fait, Ava, votre héroïne, lorsqu'elle perd son visage, enfin, quand elle perd la beauté de son visage, se sent devenir libre. Ouais. Ça veut dire que la beauté, quand on la possède, est une sorte d'oppression ? Ah oui, je pense que ça peut être complètement une prison dorée. On ne l'a pas choisi, tout comme on n'a pas choisi son visage, c'est ce que je disais, on peut se sentir un petit peu prisonnier. Moi, je pense qu'on ne parle pas assez de ça, mais c'est tellement une évidence de naître et d'avoir un visage et de savoir qu'il va évoluer au fil de notre vie. Mais à aucun moment, on a une période où, je ne sais pas, un âge clé où ce serait attendu de douter de son visage. Comme voilà, l'adolescence, on sait que c'est la période où on a un petit peu de... Enfin, on a des lames de fond qui nous secouent, des doutes un peu existentiels. Et c'est une crise, enfin, c'est un, ça peut être un âge propice aux crises identitaires, mais toute la vie, de toute façon, peut être une grande crise identitaire. Mais à quel moment on peut se dire, mais finalement, qu'est-ce que c'est que mon visage? Pourquoi j'ai celui-ci? Pourquoi à chaque fois que j'interagis avec quelqu'un, il voit quelque chose que moi, je ne peux pas voir et que je n'ai pas choisi? Mais lui va l'associer de manière évidente et inquestionnable à qui je suis profondément. Et ça, c'est ça que j'ai toujours trouvé assez... Mais quand est-ce que ce questionnement a démarré pour vous ? Je pense que ça démarre avec la prise de conscience, existentielle, c'est-à-dire quand on passe de l'enfance. Oui, quand on, ça peut être amorcé très tôt. Enfin, quand un enfant prend conscience de l'espace et du temps auquel il appartient, il se rend compte qu'il est un étang parmi d'autres étangs, et que pour caractériser son étang et naviguer parmi les autres étangs, tiens, il a un visage, un corps, et du coup, c'est plus si évident, puisqu'il se retourne vers lui et se dit, mais alors comment les autres me voient et comment je peux prendre une liberté par rapport à ce que les autres voient de moi et projettent sur ma forme physique. Voilà. Vous avez écrit une phrase dans ce roman, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pensez ou quelque chose que vous plaquez sur la psychologie de votre héroïne, mais vous dites, la beauté d'une femme n'est pas une substance, c'est une circonstance, un frémissement, l'éclat de l'avenir en suspens. C'est d'ailleurs ce qui la distingue de celle des hommes. Il est beau quand son visage raconte enfin ce qu'il a vécu. Elle est belle tant que le sien murmure ce qu'elle s'apprête à vivre. Oui. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est une phrase de vous, mais est-ce qu'elle est vraiment de vous ? Oui, mais c'est vraiment de moi et c'est la phrase de la narratrice, donc c'est un peu moi, la narratrice. Et le propos qui est contenu dans ces phrases, c'est ça en fait, c'est que il y a un propos sociologique, c'est-à-dire que ça, par contre, je pense que c'est pas naturel l'idée de considérer qu'un homme, voilà, on dit les vieux beaux, on dit pas les vieilles belles, ou alors si on le dit, c'est avec énormément de condescendance et de pitié, mais on se tourne davantage vers des visages de jeunes femmes. D'ailleurs, on dit des jeunes filles en fleurs, on ne dit pas des jeunes hommes en fleurs. Et c'est très très répandu de regarder des visages de jeunes femmes avec cette idée d'éclosion, de promesse que leur visage contienne, tandis qu'un homme, les hommes ont cette espèce d'âge d'or, quoi, de la cinquantaine, qui fait que s'ils portent quelques sillons, si leur peau s'est un peu épaissie, comme un peu un cuir, quoi, qui serait tanné, et qui vieillirait, on trouve ça plus majestueux, alors qu'une femme dans la cinquantaine, c'est justement le virage un peu fatal. Et il faut qu'elle se contorsionne psychologiquement avec des guides de développement personnel, avec des béquilles thérapeutiques, pour dire « Ah non, moi pas du tout, j'assume tout à fait mon visage. » Et en plus, je crois qu'elles peuvent complètement le préférer, leur visage, justement affranchi de ces espèces de dictates de la beauté. Mais je suis pas sûre que la société encourage vraiment, au-delà de cette hypocrisie un petit peu véhiculée par tous ces livres, je suis pas sûre que dans la rue, quand on sort, ça soit si évident que ça. Voilà. Vous faites dire, Clarisse Gorokoff, à votre héroïne Ava, flirter avec la chute, c'est le prérequis de la liberté. Mm. C'est ça que vous voulez dire ? On pourrait s'affranchir de la contrainte qu'impose le visage immédiatement quand on le montre, dès lors qu'il n'est plus ce par quoi on se sent défini. Ouais. Oui, ça peut être ça, mais là, c'est aussi la chute au sens de, oui, la chute, la déchéance, et donc déchoir de sa beauté, de son statut social, de son statut familial, en fait, de son statut, quoi. C'est-à-dire de tout ce qu'on n'a pas choisi et qu'on est un peu contraint de tenir, d'afficher. Voilà, parfois, son visage, si on n'est pas en raccord avec son visage, il n'est que le masque social de plein de choses qu'on a un petit peu entretenues malgré nous, qu'on n'a jamais vraiment questionnées. Et là, donc, elle flirte avec la chute, mais elle va même complètement se vautrer allègrement et elle en est très contente. C'est un petit peu comme si on disait toucher le fond. Ça permet justement de se redresser et même de s'élancer vers des territoires plus... Mais elle se rend compte, après une petite enquête, qu'elle a été victime non pas d'un homme isolé, mais d'une sorte d'organisation qui veut défigurer des jeunes personnes belles. Mais dans quel but on peut vouloir faire ça ? Oui, cette société secrète dont elle va remonter la piste a mis en place ce système de défiguration un petit peu systématique sur des cibles qu'elles ont choisies, dont elles ont étudié les profils sur les réseaux sociaux, qui sont des personnes considérées, oui, comme belles, comme jeunes, et justement mal à l'aise avec leur apparence physique et qui veulent déstabiliser la société. Pourquoi ? Pourquoi, oui. Pourquoi le visage ? Parce que déstabiliser la société, on comprend quels peuvent être les moteurs d'une telle envie. Mm. Mais passer par ce stratagème, c'est moins évident. Oui, c'est en quoi plus le insidieux. Fait de défigurer quelques personnes peut provoquer un chaos dans la société ? Eh bien, comme le visage est quelque chose qu'on peut difficilement dissimuler, quand il devient monstrueux, la monstruosité parle, tient un propos. Quand il devient monstrueux ou quand il perd son identité de visage, la plupart du temps, d'ailleurs, les gens se cachent quand ils sont défigurés, parce que c'est insoutenable pour le reste de la société. C'est peut-être le message le plus violent qui puisse être exprimé à ses congénères, c'est-à-dire une gueule cassée, d'ailleurs, je le dis à un moment, exprime la précarité de tout le monde. De toute l'humanité. C'est-à-dire, toi aussi, tu peux perdre ton visage en un rien de temps. Je veux dire, un choc. D'ailleurs, à l'époque où il n'y avait pas de ceinture de sécurité, il y avait beaucoup plus de gens qui passaient à travers le pare-brise et qui étaient défigurés. Donc, on voyait plus de défigurés à l'époque. Donc, merci aux airbags et aux ceintures de sécurité. Et donc voilà, le visage, c'est quelque chose qui renvoie énormément à ce qui fait tenir la société. Donc là, dans le roman, chaque personne défigurée se voit sa situation familiale, affective, professionnelle et sociale complètement ébranlée, parce que du coup, les enfants, les partenaires, même les collègues ne peuvent pas forcément continuer à faire comme si de rien n'était. Donc leur vie est remise en cause, et à grande échelle. Ça peut du coup remettre en cause les valeurs de la société. Donc la réponse à la question posée, le visage est-il la capitale de l'identité ? La réponse est oui. Socialement, quand oui, on le perd, oui. On perd son identité sociale. Ouais, et justement, c'est ça qui est. Je pense que socialement, c'est complètement la capitale de l'identité, soutenue par de plus en plus maintenant, parce qu'on met en avant la voix de plus en plus, et de ce qu'on appelle le body language, qui sont aussi qui participent énormément à notre identité. Mais le visage, il se pose là, on peut pas lui échapper. Et voilà. On parlait de voix, c'est le moment d'écouter un morceau de musique, Clarisse Gorokoff. Vous avez choisi Lassa. La confession. La confession. Nous allons l'écouter. Qu'entre toi et le diable, j'ai choisi le plus confortable. Mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable. Mon cher ami, je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur. Avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur, tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire. Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable, c'est ça le pire. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. J'ai triché, j'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché. J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. Clarisse Gorokoff, la confession de Lhasa Dosala, c'est bien ça? Oui. Je comprends assez bien ce choix. Il y a des phrases qui font écho à votre roman Casse-gueule, je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur, par exemple. Oui, ou de t'arracher ce beau sourire. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que vous êtes gênée par la beauté, quand même. Gênée? Non, ah non, moi je suis une pancaliste, je pense. C'est-à-dire que non, ça peut paraître un peu pompeux, mais j'aime bien cette notion de pancalisme qui consiste à observer toute chose à travers le prisme de la beauté. C'est encore différent d'esthète. Non, la beauté me fascine, mais justement, je me demande où elle est et si on peut pas un petit peu étendre ses limites et ce qu'elle peut contenir. Alors, vous faites allusion, en fait, à plusieurs reprises dans le roman, de façon assez discrète, à ce que les physiciens appellent la théorie du chaos. Mmh. Et comment est-ce que vous la comprenez, cette théorie? Ah non, fallait pas me poser cette colle. Non, mais, disons, je me la suis appropriée, mais. L'organisation secrète, ouais, dont nous parlons, qui s'appelle Nyx, revendique le chaos comme étant ce vers quoi il faut revenir. Oui, c'est ça. Pour que toute chose acquiert de nouveau sa vérité. Oui, c'est un état originel, donc d'avant ce qu'on appelle le logos, qui est le monde dans lequel on vit, régi par la logique et la raison. Et donc le chaos, c'est cet état originel où tout pouvait cohabiter, coexister, dont ce qu'on a ensuite organisé de manière binaire, c'est-à-dire tout ce qui s'oppose, donc le beau et le laid, le bien, le mal. Voilà, toutes ces choses qu'on a tendance, enfin même pas qu'on a tendance, qui organisent toute notre société de manière systématiquement binaire. Et ce que je trouvais intéressant, c'était l'idée de se demander, tiens, si toutes les valeurs et les principes contradictoires coexistaient, ça donnerait quel type de société? Est-ce que c'est possible d'aspirer à faire émerger un tel contexte chaotique au sens originel du terme? Est-ce que vous avez remarqué que le chaos a pour anagramme la chose? Ah non, mais c'est magnifique. Comment est-ce que vous le comprenez? Il n'y a rien à comprendre, c'est une coïncidence, mais est-ce que faire advenir la chose en partant du chaos. Et la chose, c'est très énigmatique, au même titre que le chaos. La chose, on pense à tellement de choses. C'est très très joli. J'ai appris des mots en lisant votre roman. Ah oui. Par exemple, capitélophobe. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, capitélophobe? Je le sais parce que je vous ai lu, mais je pense que tout le monde ne connaît pas le sens de ce mot. Je pense qu'il y a des mots pour toutes les phobies, qu'il y a un milliard de phobies, et j'ai découvert ce mot justement en le cherchant, parce que l'un des personnages, le petit copain d'Ava qu'elle va larguer, enfin dont elle va se séparer après sa défiguration, est capitélophobe, c'est-à-dire qu'il a la hantise de recevoir des cadeaux. Il est toujours dans le don, c'est toujours lui qui veut payer, qui veut donner, qui veut offrir, et ça le met très mal à l'aise, et même ça peut susciter en lui une forme de colère et de susceptibilité si quelqu'un veut lui offrir même un verre. Voilà. Il a la phobie des cadeaux. Il la phobie est capitélophobe. En fait, c'est la phobie de la réception, parce que ce qui impose une réception peut-être implique un contre-don, et peut-être que c'est ça qui va, je sais pas. Mais en tout cas, je trouvais ça drôle et joli. Avant de passer le premier morceau de musique, on a évoqué un petit peu la voix. Est-ce qu'on pourrait pas dire qu'il y a deux formes d'identité qui se complètent et qui peut-être se contredisent? Il y a celle du visage et celle de la voix. Est-ce que la voix peut contredire le visage? Je pense qu'il y a souvent des dissonances entre. Il peut y avoir des dissonances entre le visage et la voix, mais de toute façon, quand on a le sentiment qu'il y a une dissonance quelque part, que ça soit entre le visage et l'identité ou la voix, c'est déjà qu'on n'est pas du tout. Justement, c'est un peu comme. C'est déjà qu'on regarde la couleur des yeux, comme disait Lévinas, parce qu'on peut pas vraiment décortiquer un être à travers ses composantes génétiques ou physiologiques. Et donc c'est que la dissonance est ailleurs. Même quelqu'un, par exemple, qui serait extrêmement baraqué et costaud, dont on pourrait attendre qu'il ait une grosse voix comme ça de ténor, s'il arrive avec une toute petite voix fluette et que ça choque les gens, c'est que lui n'est pas aligné avec ce qu'il est. Parce que quand on assume ce qu'on est, physiquement et dans sa manière d'être, il y a rarement des dissonances. Les gens se raccordent avec ça. C'est ce qu'on appelle justement l'aura. C'est quand tout est aligné et qu'on se dit pas, tiens, c'est bizarre comme sa voix est un peu plus aiguë par rapport à sa carrure. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Vous parlez souvent des volcans, Clarisse Gorokoff, dans ce livre. Notamment, vous dites, il y a dans les volcans tout ce qu'il faut pour aimer la vie, le souffle, la puissance et la simplicité. Vous fréquentez les volcans, vous-même ? Oui, très, très souvent, je les invite à dîner chez moi, on fait des petits... Non, mais je n'ai jamais tellement visité de volcans, mais je trouve ça fascinant. Depuis quelques temps, j'ai lu les livres récemment d'Arun Taziev, que je trouve un personnage vraiment haut en couleur et volcanique. J'aime bien regarder des documentaires sur les volcans. Je trouve que le volcan a quelque chose de très touchant. Dans sa forme un petit peu isolée, souvent il est isolé, même quand il y a des gens qui vivent à son pied. Cette espèce de majesté solitaire, et puis qui peut inspirer autant d'admiration que de crainte, qui traverse des siècles. C'est un des éléments de la nature qui me faisait le plus penser à mon héroïne. D'ailleurs, c'est à ça qu'elle s'identifie le plus, ce volcan, dans ce qu'il peut avoir de répulsif et d'attrayant et de sombre et de relié, bon bref, et de dangereux aussi. Sans vouloir vous poser des questions trop personnelles, il semble qu'au travers de ce roman, vous présentez une vision du couple qui n'est pas spécialement emballante. Clarisse Gorokoff, vous dites par exemple d'une jeune femme qui est avec son amoureux dans un café. Le sourire de la jeune femme est invariablement le même, sans nuance, celui des gens que le fait d'être en couple a sauvé pour toujours de l'insoutenable angoisse de la solitude. Mmh. Oui, je constate... J'observe souvent autour de moi des couples qui ont l'air d'être ensemble par un pacte silencieux d'identité conjugale et sociale. Et c'est pas un jugement de valeur, je veux dire, mais j'ai rien du tout contre la forme du couple, même si je trouve qu'elle est un peu archaïque et qu'il y a plein de manières de s'aimer qui vont un peu au-delà de ce binôme. Voilà, de ce binôme qui est centré autour d'intérêts communs, de patrimoine culturel et financier et sociologique qu'on se transmet. Avec cette idée obsessionnelle de la reproduction. Mais je voulais pas spécialement épingler le couple. Il y a des couples que j'admire. Mais comme mes grands-parents ou John Cassavetes et Jenna Rolands, parce que justement, je sens que ça excède le côté social du couple. Et ça me touche. Et voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre l'idée de chaos que vous avez développée tout à l'heure et celle de néant? D'ailleurs, Ava est assez obsédée par le néant, en fait. Elle le dit à un moment, elle dit en matière de néant, je n'ai plus rien à craindre parce que le fait d'être défigurée finalement la relègue dans un espèce de non-lieu au sein de la société, c'est-à-dire que comme elle dit, elle n'est plus vraiment vivante, enfin elle est vivante bien sûr, elle vit physiologiquement, mais elle n'est plus admise par ses compères, ses congénères, elle n'est pas non plus morte, est-ce qu'elle se cache ou est-ce qu'elle se montre, où est sa place, elle n'est pas malade, quand on est défiguré on n'est pas malade, elle n'est pas non plus complètement bonne santé parce qu'elle a été altérée, détruite, donc c'est un espèce de non-lieu comme ça, comme les limbes identitaires auxquels on peut être relégué très rapidement si voilà notre visage est altéré. Et le fait de, pourtant paradoxalement, le fait de susciter des haut-le-cœurs, parce que quand on a la gueule défigurée, on ne laisse pas non plus les gens indifférents. Dès qu'on sort dans la rue, la première réaction qu'on va susciter chez n'importe qui nous regarde, c'est un haut-le-cœur, c'est quand même très particulier. Vous racontez d'ailleurs un épisode où elle est dans le métro et un père de famille demande à ses enfants de cesser de la regarder en leur disant « tout le monde a le droit d'être comme il est ». Et vous dites « si Ava n'avait pas les muscles faciaux si contractés par la douleur encore vive, elle aurait explosé de rire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas entendre ?» Ça lui rappelait le slogan d'une pub pour un fast-food américain ultra-capitaliste « venez comme vous êtes, tous ces bons sentiments, c'est devenu ça Paris, l'éducation par le néant ». Oui, alors Paris, ou disons, ouais, là, c'est parce que ça se passe à Paris. Ce côté un petit peu lisse, où tout le monde est à la fois obsédé par l'idée d'être très singulier, très unique, et en même temps, justement par ce désir-là qui ne veut plus rien dire, tout le monde se ressemble. Et puis, c'est tous ces, toute cette espèce de, alors, bienveillance, mais ce côté un petit peu lisse, qui orchestre les liens sociaux, où il faut pas tout à fait se regarder, pas tout à fait soutenir un regard, mais en même temps complètement s'accepter et être complètement bienveillant les uns envers les autres, alors qu'on n'ose même pas se regarder dans les yeux. Et venez comme vous êtes, ça veut absolument rien dire quand on pense que les trois quarts des gens se prennent la tête toute leur vie pour se demander qui ils sont. Vous avez fait des études de philosophie, Clarisse Gorokoff. Et à un moment, vous dites, Merleau-Ponty, Wittgenstein, Patocca, si les pauvres penseurs savaient à quel point ils servent davantage de béquilles dialectiques que de phares métaphysiques. C'est ça aussi l'éducation par le néant? Oui, alors là, ça épingle, si je peux dire, plus une certaine caste de personnes qui pavanent, en fait, en permanence, à mettre des citations un petit peu à droite, à gauche, à chaque fois qu'ils prennent la parole. Alors que moi, par exemple, j'ai pas une connaissance approfondie de ces penseurs, mais j'aime beaucoup Merleau-Ponty comme ça. Mais ça me viendrait pas forcément à l'idée de caser comme trois citations de Merleau-Ponty pour donner plus de crédit à ce que je dis. Je trouve que c'est très beau en général les gens qui vont chercher matière à illustrer ce qu'ils disent dans leurs souvenirs, dans leurs expériences, dans les associations de leur vie quotidienne, plus intuitive et plus poétique. Je trouve ça en général beaucoup plus percutant, plus touchant, plus inspirant. Et voilà, c'était... Est-ce que vous croyez à l'idée d'un... J'ai l'impression que non, mais je vous pose quand même la question. Est-ce que vous croyez à l'idée d'un progrès humain ? J'ai rien contre l'idée du progrès, mais c'est-à-dire humain. C'est, déjà, il faudrait être sûr. Il y a un personnage dans le roman qui s'appelle Angèle, dont vous dites elle croit au paradis, à l'enfer est tellement en Dieu qu'elle méprise l'idée du progrès humain. Oui. Alors, est-ce que c'est incompatible avec, est-ce que le progrès est incompatible avec l'idée de Dieu, de religion ? C'est pas forcément le progrès. Oui, mais parce vous faites des allusions à l'idée de l'homme augmenté, au transhumanisme, à la fin du livre. Disons que je pense que pour qu'il y ait un désir de progrès collectif, un désir collectif de progrès, il faudrait déjà qu'on soit tous sûrs de faire partie d'une même chose qui s'appellerait l'humanité. Et là, on pourrait se demander si, en tant qu'humanité, on a envie de progresser, de régresser ou de stagner. Moi, je crois plutôt au développement personnel, même si tout à l'heure, je sais que... Mais je pense qu'il n'y a pas de progrès. Enfin, que le progrès ne pourra advenir que quand les gens se pencheront d'abord sur eux, sur ce qu'ils sont, sur leurs limites, sur les croyances qui les limitent, sur leurs réelles aspirations. Et là, on pourra peut-être collectiviser, rendre plus commune cette idée de progrès. Mais si les gens ne sont pas d'abord intéressés à l'idée de s'améliorer eux-mêmes, de se dépasser, de se connaître, et de progresser sur leur petit territoire, qui peut être d'ailleurs immense. Je vois pas comment on n'a pas du tout les mêmes aspirations, on se connaît pas assez bien. Donc voilà. C'est un roman, donc casse-gueule, qui est quand même parcouru, et je crois que c'était déjà le cas pour votre premier roman, De la bombe, par l'idée de la destruction. Ouais. Est-ce que ça reflète votre propre psychologie ? Déjà, pour moi, la destruction, c'est inséparable de la création. Pas de la construction, d'ailleurs, de la création. Destruction créatrice de Schumpeter. Non, mais disons que pour qu'il y ait la question de destruction en jeu, il y a d'abord eu la question de qu'est-ce qu'on veut détruire. Donc, pourquoi on veut le détruire ? Parce que ça a été créé, par qui, comment, pourquoi, qu'est-ce que ça représente ? Et une fois qu'on aura détruit ce quelque chose, qu'est-ce qu'on va créer après ? En fait, la destruction, c'est pas le côté anarchiste, on va tout détruire. C'est pas une pulsion comme ça de sauvage. C'est l'idée de... C'est l'idée de l'alternance, de la grâce, en fait, et de la stagnation, si je peux dire. Une fois quelque chose est créé, on perd un petit peu cet état assez magique et cette émulation qu'on a eue au moment du premier coup de feu, de la première pierre posée. Et donc, il faut renouveler. Pour renouveler, je me demande s'il ne faut pas un petit peu, pas forcément saccager, mais détruire. Mais peut-être qu'il y a des manières pacifiques et nobles et délicates de détruire. Il y en a qui ne le sont pas du tout. Il y a un livre qui a été publié en 2017 par Sophie Delaporte, qui s'appelle « Visage de guerre, les gueules cassées de la guerre de sécession à nos jours ». Elle raconte comment, justement, la destruction produite par des armes de guerre de plus en plus violentes a défiguré des milliers d'hommes et quels efforts ils ont dû accomplir pour retrouver un semblant d'identité et comment la chirurgie s'est intéressée à progresser grâce à ces cas. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre ce qu'il advient des personnes qui sont défigurées dans votre roman et cette affaire des gueules cassées ? Oui, alors c'est vrai que déjà c'est fascinant ce thème-là des gueules cassées et de la naissance de la chirurgie faciale par rapport à ce phénomène de guerre. Et ensuite, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que a priori, quand on a un visage donc altéré, voire complètement détruit, on a plutôt envie de le reconstruire et de retrouver tout ce qui composait notre identité et donc les liens sociaux aussi qu'on entretenait quand on avait un visage qui était familier aux gens qu'on fréquentait. Et moi, mon héroïne, c'est l'inverse, c'est-à-dire de sa gueule cassée, elle veut justement, ça fait plus de sens puisqu'elle peut s'affranchir de ce qu'elle n'avait pas choisi. Elle se rend compte justement de la vacuité de ce qu'elle vivait au quotidien, quoi. Son partenaire, son travail, ses liens amicaux et familiaux et ce qu'elle était au sein de la société. Rien de tout cela n'avait été choisi, ça avait été implicitement imposé. Et il aura fallu quelque chose d'aussi cinglant, brutal, voilà, et comment dire, saisissant que son visage fracassé et donc complètement altéré, modifié, pour qu'elle se pose enfin des questions essentielles, existentielles sur qui elle. Il y a une sorte de pédagogie des accidents. Ouais, c'est joliment dit, c'est vrai. Oui, je pense qu'il y a une pédagogie. De tout ce qui ne nous tue pas. Ça, c'est sûr, oui. C'est le moment d'écouter le deuxième morceau, le second morceau de musique que vous avez choisi, Clarice Grokhoff. Je crois que c'est Neil Young. Clarice Grokhoff, Neil Young, c'est un choix assez évident, non? Il faut vivre, c'est ça? Au plus près de soi-même? Oui, j'aime beaucoup les premières paroles quand il dit... enfin, je ne vais pas le chanter, mais quand il dit « I want to live ». Bon, c'est chanté. Non, mais que cette première là, entrée en matière... c'est un peu ce que dit Arletty aussi dans Les Enfants du Paradis, et que Ava reprend un moment à la fin d'un dîner avec sa folle de mère tyrannique. Elle dit « Je ne suis pas belle, je suis vivante ». Et sans opposer la beauté à la vie, je trouve que c'est quand même une belle idée de rappeler que la vie en soi, par le fait que c'est le mouvement, que c'est la spontanéité, que c'est justement ce qui échappe à ce qu'on à ce qu'on peut préméditer, comme justement peuvent l'être parfois les apparences, qu'on prépare, qu'on fignole. Je trouve ça, j'aime bien cette idée que la vie peut supplanter la beauté. Voilà. Mais vous avez un rapport particulier avec l'harmonica? Non, c'est pas... Non. Alors, il y a une figure qui traverse votre roman, c'est celle du monstre. Oui. Qu'est-ce que ça indique, un monstre? Qu'est-ce que montrent les monstres? Le monstre montre le familier qui déraille. Parce que je crois que ne peut être monstrueux que ce qui nous est très très familier. Donc ça va être le paramètre de la vie domestique, affective. Quelqu'un qu'on ne connaît pas va difficile. Dans nos cauchemars, par exemple, c'est souvent ce qui est monstrueux, c'est souvent nos parents, des gens qui nous sont familiers, qui tout d'un coup prennent une figure oppressante. Voilà, un visage peut devenir monstrueux. Il est monstrueux parce que tout le monde a un visage, donc tout le monde peut voir l'avant, l'après, et cette idée du familier qui déraille et qui empire et qui va sur un territoire insoutenable est assez intéressante, je trouve, et ça me fait penser à une phrase que j'ai découverte ce matin, justement, que je voulais lire par rapport au monstrueux de Nietzsche, qui dit: quand on lutte contre des monstres, il faut prendre garde à ne pas devenir monstre soi-même. Si tu plonges longuement ton regard dans l'abîme, l'abîme finit par ancrer son regard en toi. J'ai pas du tout envie de faire l'exégèse de cette phrase ou de rentrer dans des spéculations sur ça, parce que je suis sûre qu'elle a été énormément analysée et tout. Je la trouve juste très belle parce qu'elle pose la question de, mais alors où est vraiment le monstrueux? Et est-ce qu'à force, oui, par exemple, dans mon roman, c'est a priori Ava qui est devenue un monstre avec sa gueule cassée. Or, elle se rend compte, en fait, en étant monstrueuse de manière apparente. C'est la monstruosité des autres. Exactement. Mais de cette monstruosité qui n'est pas matériel, qui n'est pas manifeste, mais qui est partout, justement, dans la manière dont les gens naviguent entre eux socialement, dans tous ces pactes tacites qui relient les individus entre eux, aussi bien au sein de la société du travail que du monde des apparences, que même dans l'intimité d'un couple. Et donc c'est ça qui lui frappe, qui la frappe. Voilà. Mais ce que j'ai trouvé remarquable dans votre roman, Clarisse Grokoff, c'est que vous utilisez justement la figure du monstre pour interroger la question de la liberté. Mmh. Comment est-ce qu'elle s'associe? Comment est-ce qu'on devient libre, finalement? Comment est-ce qu'on est sûr de vivre au plus près de soi, comme le dirait Neil Young ou d'autres? Ouais, ça c'est vraiment une question qui me fascine. Est-ce qu'il est possible d'être libre sans que ce soit les autres qui décident de notre liberté ou qui la décrètent? Et est-ce que finalement, à force d'être obsédé par sa propre liberté, ça ne devient pas une prison comme une autre? Parce qu'il faut sans cesse veiller à ce qu'on reste libre, donc avec tous les petits échelons qui mènent à la liberté, l'autonomie déjà, l'indépendance. Et donc à force d'être obsédé par cet état d'indépendance suprême, on peut en devenir justement un peu aussi prisonnier, quoi. Mais en effet, c'est la question qui jalonne un petit peu tout ce livre. C'est la question initiale de mon héroïne et de cette gueule cassée. C'est d'abord cette gueule cassée lui permet de s'affranchir de tous les carcans qui l'angoissaient depuis longtemps, mais qu'elle n'arrivait pas tellement à identifier. Elle sentait bien qu'il y avait un malaise, alors elle se demandait si c'était pas son couple, ou au travail, est-ce que son travail était vraiment approprié, ou sa vie affective, ou sa mère qui est très tyrannique. Et finalement, donc, il lui aura fallu être complètement destituée de son identité faciale pour se rendre compte que non seulement elle était absolument pas là où elle devait être, qu'elle était la figurante de sa propre vie, mais que, bonne nouvelle, elle peut justement tout reconstituer, choisir. Elle peut choisir, et en fait, la liberté, c'est... Mais ça veut dire que son visage et soi, ça peut faire deux. Ah oui. Et donc le visage peut être le contraire de l'identité. Ouais, très bon point. En effet, je pense que toute la question de s'approprier son visage par soi-même, pas par le regard des autres, pas parce que les autres projettent sur notre visage, c'est... Quand on arrive à ne plus se poser la question de est-ce que j'ai un visage et qu'est-ce qui se passerait si je le perdais, c'est que notre visage est devenu nous-mêmes. C'est qu'on, voilà, quand on parle même plus de son visage, c'est qu'on fait enfin un avec notre apparence physique et notre identité et le monde. Et, voilà. Et ça arrive à beaucoup de gens, à votre avis? Alors, En fait, est-ce qu'il faut attendre d'être défiguré pour prendre conscience de toutes ces questions, ou est-ce qu'on peut prendre conscience de toutes ces questions-là, de savoir si on est bien, si on vit bien notre propre vie, si c'est bien nous, si on n'est pas figurant de notre propre vie. Moi, je pense qu'il faut, il y a toujours un accident. Enfin, souvent les gens qui en arrivent à se poser cette question, tiens, est-ce que je vis vraiment ma vie en pleine conscience, en pleine sagesse d'une certaine manière, alignée avec ce que je suis, avec mon identité. Souvent, il faut une prise de conscience, il faut un ébranlement, un deuil, un accident, une maladie, frôler la mort, une grande humiliation, une défaite. Il y a souvent quelque chose qui vient tordre l'aspect un petit peu lisse de notre vie pour avoir accès à ces questions fondamentales. Et souvent, c'est les parcours de vie les plus intéressants. Les gens qui reviennent de quelque chose et qui en parlent, c'est là que ça devient fascinant. On sent qu'ils se sont affranchis de tout un discours convenu, social, presque mondain, quoi. Parce qu'ils sont justement vraiment dans le monde. Donc, ils ont même plus besoin d'être mondains. J'ose même pas vous demander, Clarisse Gorokoff, ce que vous pensez de la chirurgie esthétique, par exemple. Ah non, je suis pas du tout contre. Non, justement, la chirurgie. Enfin, d'ailleurs, je vais même pas être contre ou pour. Je trouve que c'est la chirurgie, c'est un choix. Donc en ça, c'est pas du tout. Je vois pas les gens qui font de la chirurgie esthétique comme de pauvres petites victimes de la société des apparences. Ça peut être une manière de jouer avec. Justement, ça peut être une manière de prendre son apparence physique au second degré. C'est très éphémère, ça va pourrir, ça va devenir moche à mes yeux, aux yeux des autres. Ça, ce serait être victime des apparences. Mais peu importe, en fait, si la chirurgie esthétique, quand elle est plus une manière de prendre au second degré les apparences et de se dire de toute façon ça m'échappe complètement, c'est pas moi qui choisis le processus de vieillissement ou d'altération, donc j'ai le droit moi aussi d'y mettre ma petite touche, voilà, ça je trouve ça plutôt un pied de nez fait au processus de vieillesse et d'altération. Mais quand c'est bien sûr quelqu'un qui est complètement engoncé dans ce qui est véhiculé sur le papier glacé et tout, et qui va ça c'est un petit peu plus pathétique. Mais sinon, je trouve que la chirurgie esthétique peut être très ludique. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Alors, combien de temps vous a-t-il fallu pour écrire ce livre et comment est-ce que ça se passe? C'est un livre, je peux le dire, que j'ai trouvé extrêmement puissant. On est pris par une histoire, il y a du suspense, il y a une écriture remarquable. Vous avez mis, je crois, quelques mois pour le rédiger. Dans quel état on se met pour produire une œuvre disons, aussi décalée et aussi violente d'une certaine façon? Oui, alors on se met pas du tout dans des conditions de violence. J'étais tranquille dans des cadres plutôt je l'ai écrit assez rapidement parce que en fait cette idée de visage et d'identité me trottait en tête depuis des années. Déjà quand je faisais de la philo, j'avais écrit mon mémoire sur la phénoménologie du visage. Ah, comme par hasard. Ouais, cette question. Et c'était quoi la thèse principale que vous défendiez? Il y avait pas mal de Lévinas, tout ça, mais je me demandais justement si... Oui, c'était l'altérité et l'identité, c'est ça. Voilà, c'était autour de ces deux questions. Je me souviens plus exactement de la formulation de ma question. Mais de toute façon, je l'avais pas écrite avec autant d'investissement que là, ce livre, parce que je trouve que c'est une question qui se prête énormément à la fiction. À la fiction, oui, c'est-à-dire à une forme de d'autres dimensions. Là, je pense que j'ai donné une dimension un peu onirique et un peu... Surtout à la fin. Oui, surtout à la fin, et puis un peu sombre, qui permet en fait de restituer à toute cette question du visage aussi la dimension, bien sûr, esthétique et ce qu'il peut y avoir de beau aussi dans le monstrueux. Par exemple, l'histoire de l'art fait vraiment la part belle au monstre. La littérature, je sais pas, je crois un petit peu moins. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'était ça justement un des enjeux aussi de l'écriture de ce livre. Mais comment est-ce qu'on procède pour écrire une histoire aussi pleine de personnages, très, très marqués tous? Comment est-ce que ça s'organise? Est-ce que c'est au fur et à mesure que vous écrivez que l'intrigue se révèle, ou est-ce qu'il y a un plan établi? Là, j'ai vraiment procédé avec un plan qui m'a servi de carcan, alors que pourtant je parle de quelqu'un qui a... Donc vous connaissiez à l'avance toute l'histoire ? Pas toute l'histoire, non, justement. La trame et le plan, moi, sont pour le coup, c'est vraiment une béquille. Et puis après, je peux m'en éloigner. Ça me donne une énorme liberté parce que je décide d'aller un petit peu comme un... Dans la vie, d'ailleurs, on décide de quelque chose. Hein, je ferai ci, je ferai ça, nan, nan. Et puis finalement, toute la jouissance, c'est de se dire, je vais plutôt aller par là alors que j'avais décidé. En fait, ça, c'est une manière de, comment dire, on peut beaucoup plus facilement improviser quand on avait décidé de suivre un plan. Et j'adore l'improvisation. Mais là, j'ai procédé avec un plan. Et par contre, mon personnage principal et le thème étaient vraiment solidement plantés. La mère, le personnage de la mère d'Ava m'a vraiment échappé parce que... Alors, c'est vraiment un monstre, elle. Ouais, je pense qu'elle est, c'est elle vraiment le monstre, pas en apparence. Et encore, mais parce qu'elle est plutôt très belle, très puissante, très riche, mais ce qui se trame dans sa tête est assez monstrueux, ce qu'elle dit sur la société et son mépris des classes et des voilà est absolument effarant. Enfin son mépris des classes, je veux dire des classes des gens plus défavorisés ou qui voilà. Et ça c'est assez excitant de voir que certains personnages prennent une forme d'existence propre et puis on se met un petit peu à se mettre au service de leur personnalité, de leur tempérament, parce qu'ils débordent un petit peu de ce qu'on avait prévu pour eux et qu'ils ont. C'est vraiment ça, c'est une sorte de personnalité comme ça qui émerge. Et du coup, ça, c'est j'ai beaucoup aimé écrire le personnage de la mère qui m'a surprise. Est-ce que vous avez des écrivains de référence, des sortes de modèles ou que vous admirez? Oui, il y a des écrivains que j'admire. Souvent, j'admire des écrivains par leur personnalité plus que par ce qu'ils ont écrit. En tout cas, quand j'aime un écrivain, j'ai envie de voir ses livres d'entretien. Par exemple, là récemment, j'ai lu le livre d'entretien de Romain Gary, La nuit sera pas calme, mince, je sais plus. La nuit sera longue ou brève, je sais plus. Il y a la nuit dedans et j'ai trouvé que c'était un esprit. On le dira jamais assez. Enfin, c'est déjà beaucoup dit, mais une personnalité très touchante, très une vision des choses et du monde sans cesse percutante, originale, très singulière et vraiment vraiment très touchante. J'aime bien les écrivains que je trouve humainement touchants et pris dans des contradictions qui m'émeuvent. Et par exemple, pour ce thème-là, pour le thème de ce livre, il y a un écrivain américain qui s'appelle Chuck Palahniuk, qui avait écrit un roman qui s'appelle Monstres invisibles, que j'avais adoré et qui parlait déjà un peu de la défiguration. Je ne dis pas qu'il m'a influencé, mais je pense que c'est de manière sous-jacente. Je devais avoir un petit peu aussi ce roman en tête. Il a aussi écrit Fight Club, qui est un roman très puissant, justement sur ces pulsions de violence orchestrées collectivement. Et vous-même, vous vous sentez quelqu'un de calme ou vous sentez parfois monter en vous des accès de, sinon de violence, du moins d'envie de violence? J'aime bien l'idée du volcan, justement, c'est que je me dis que j'aime l'idée de me sentir parfois secouée intérieurement et de me dire que j'ai quand même beaucoup de chance parce que j'ai trouvé une forme d'expression qui canalise cette pas forcément violence, mais cette éruption. Enfin, c'est ces choses plus plus sauvage parfois qui nous secoue et l'écriture vraiment et l'écriture la beauté du monde les plein de choses le rire énormément me permettent à moi et à beaucoup d'autres d'en faire quelque chose et de le sublimer. Est-ce que vous avez déjà l'idée d'un prochain roman? J'imagine que oui. Oui, là je suis en train d'écrire. Et c'est dans la même veine avec l'idée de la destruction qui parcourt? Non, pas du tout. Mais c'est aussi, il y a l'idée des projections qu'on fait, des projections sur la vie des autres. Voilà. Mais c'est pas. Y a beaucoup, je pense que ce sera moins violent, en tout cas dans le contenu. On a l'impression que ce qui vous fascine aussi, c'est le lien qu'il y a entre, disons, l'individu et la société dans laquelle il essaie de vivre. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de contradiction entre les deux? Entre l'aspiration qu'un individu peut avoir et ce que la société peut lui proposer comme cadre d'épanouissement? Oui, d'ailleurs, je me demande si la société propose vraiment, parce qu'à quel moment on est face à un contrat, enfin d'ailleurs, ce serait horrible, mais je veux dire, oui, c'est un contrat tacite et continu, et je suis parfois très étonnée de la manière dont les gens l'acceptent et le renouvellent de manière continue, silencieuse et tacite, sans même trop s'en rendre compte. Et je dis pas qu'il faudrait mais au moins se pencher dessus, tiens, qu'est-ce que c'est que ce contrat de toutes ces convenances sociales dans lesquelles qu'on accepte les unes après les autres sans trop tellement les discuter et ou sans même ne serait-ce que de les observer, de prendre un peu de recul, de poser la question que ça soulève. On a parlé du couple. Il n'y a pas à être pour ou contre le couple, ni pour ou contre la famille, ni pour ou contre le fait de se reproduire et tout. Mais pour, par exemple, on demande jamais à une femme enceinte dans la rue « Ah, pourquoi ?» On prend ça comme une évidence et je ne dis pas que ça n'en est pas une, mais en fait, toutes ces évidences, si on les questionne de manière tout à fait légère et ludique, ça donnerait peut-être lieu à ça ferait peut-être émerger une autre manière de voir le monde, de cohabiter, d'autres propositions. Et c'est ça que je trouverais assez intéressant. Je ne sais pas, Clarisse Gorokoff, si vous aimez les anagrammes. On en a cité une tout à l'heure, le chaos et la chose. Ouais. Mais j'en ai une deuxième et je veux avoir votre réaction. On parle de visage, l'anagramme de visage inaltéré. Mm-hmm. Vous la connaissez? Ah bah, je ne pourrais absolument pas la trouver, non. Ça donne la Sainte Vierge. Et comment vous interprétez enfin, je vous pose. La Sainte Vierge, c'est le visage. Oui, c'est ça. C'est l'épiphanie aussi. C'est pas elle directement qui. En tout cas, c'est le visage. C'est vrai complètement. C'est un visage inaltéré, contrairement à celui de son fils. Et contrairement à Dieu qui n'a pas de visage, c'est vrai complètement. Ouais, non, c'est beau. Mais bon, je sais pas si je me range du registre. si mon livre se range dans le registre des. De la chrétienté, des choses. J'ai l'impression que non, quoique. Merci Clarisse Gorokoff d'être venue présenter votre roman Casse-gueule, qui paraît ces jours-ci aux éditions Gallimard. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Lidouine Caron et à la réalisation François Connac. Que j'ai triché, j'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché. J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. C'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Renaud-Dibiot pour le temps des écrivains, justement.